m'en veulent, je sais pas pourquoi. Ouais, franchement, j'ai plus d'amour, moi. Avec tout ce que j'ai fait pour toi, j'ai mal au cœur, j'ai une envie de tout niquer. Je me lâche pas, mais j'ai trop la haine, oui, oui. J'ai mon pet, mon flash à la main. J'en ai frite un sur la lamelle. Et je pense à ceux qui mangent la gamelle. Et quand j'ouvrais les volets, sa mère, y'avait les képis. Ils sont pas venus pour contrôler, dis-moi, ils ont embarqué qui? Toi, tu déconnes, tu vas en boîte avec ta gadji. Après, tu te plains qu'elle fait sa folle, c'est ce que l'on m'a dit. J'oublie pas où j'suis né, mes paroles, j'les assume, mec. Parc soleil sur le côté, j'regarde droit devant, j'suis à la fumée. Cherche mon regard sous les lunettes, il fait le mac, lui, j'l'ai vu net. Dédicace à ce qu'ils font des copains, c'est éclairé par la lune, mec. J'oublie pas où j'suis né, mes paroles, j'les assume, mec. Parc soleil sur le côté, j'regarde droit devant, j'suis à la fumée. Cherche mon regard sous les lunettes, il fait le mac, je l'ai vu net. Et dit casse à ce qu'ils font des gros faces, éclairé par la lune, mec. Ils sont jaloux, je crois que j'ai ce qu'ils n'ont pas. T'es gentil, mais je vois que t'abuses, moi c'est rare, je me trompe pas. Fais mes bails, laissez-moi là. Tu me cherches, tu veux me voir, je suis pas là. Ils m'en veulent, je sais pas pourquoi. Ouais, franchement, j'ai plus d'amour, moi. Avec tout ce que j'ai fait pour toi. J'ai mal au cœur, j'ai une envie de tout niquer. Je me lâche pas, mais j'ai trop la haine, oui, oui. J'ai mon pet, mon flash à la main. J'en ai frite un sur la lamelle. Et je pense à ceux qui mangent la gamelle. Si tu m'as voulu du mal, le sang touche ton ex. Les traites, ça se calcule plus, ouais. C'est un peu comme les ex. Moi, je prends pas de coco, je bois de la vovo chez Poutine. Moi aussi, je pourrais faire le mac avec la crosse qui dépasse du din. Goulag, j'ai une tête, je récupère mon stuff. Fumigène avec mon pet, je bois ma vodka, mon serre. Puta di merda, viva la liberta. On connaît l'omerta, on connaît l'omerta. Dans mon cœur, pour toi, y'a une rose à vie. C'est malheureux, mais on comprend mieux les choses quand ça nous arrive. Ils m'en veulent, je sais pas pourquoi. Ouais, franchement, j'ai plus d'amour, moi. Avec tout ce que j'ai fait pour toi, j'ai mal au cœur, j'ai une envie de tout niquer. Je me lâche pas, mais j'ai trop la haine, oui, oui. J'ai mon pet, mon flash à la main. J'en ai frite un sur la lamelle. Et je pense à ceux qui mangent la gamelle.